Ouais, salut Blockbuster. Alors moi j'étais plus livre dont vous êtes le héros que jeu de rôle avec des gens, mais avec un pote quand même. Un jour on s'est inventé quand on partait en soirée une épée de combat avec comme option plus 10 contre les dieux avec effet Ralgan pour après quand on fêtait la victoire, quand on butait les dieux et pour être tranquille le lendemain matin. Et c'était vachement sympathique. Allez, des bisous. Ouais, salut Fred, ouais putain, il y a une orque qui m'attaque à 32 secondes. Ah Ouais Fred, tu sais comment tu fais pour reconnaître à coup sûr un rôliste? Facile, tu sors un dé de ta poche et tu demandes à la personne ce que c'est. Quelqu'un de normal te dira, bah, c'est un dé. Un rôliste te dira, c'est un dé à 6 faces ou un dé 6. Moi, je vais vous faire un cube d'activité pour l'arrivée d'un nouveau perso niveau 1 dans ma bande d'aventuriers. J'avais su que j'avais fait le bon cadeau quand son papa m'a dit, chouette, son premier dé 6. Voilà, bienvenue dans l'aventure à toi Elliot, bon farm et joyeux loot. Attardé, on peut m'appeler pour me dire ta critique là, parce que je joue à Donjons et Dragons depuis 1981 et nos enfants jouent à Donjons et Dragons avec nous et ça nous a permis de rester un groupe soudé des anciens de la fac. Voilà, donc ça désocialise pas vraiment Donjons et Dragons. Salut Fred, à bientôt. Ça fait plus de 20 ans que je joue avec mes meilleurs amis du lycée qui sont devenus les témoins de mon mariage, les parrains et marraines de mes enfants. C'est que du bonheur. Sonoshino Sadame, Jojo! Ça fait tellement plaisir que vous parliez de ça. Je me souviens vous l'avoir demandé il y a longtemps, il y a un an ou deux sur le répondeur, et vous le passez enfin. Je bouillonne d'excitation, j'ai hâte d'écouter ça. Bisous! La semaine dernière, j'étais en famille dans une librairie, petit plaisir post-confinement, quand soudain, un enfant blond d'une dizaine d'années, dont je ne pouvais évidemment pas revendiquer la paternité, se précipita vers son géniteur en criant de dessous son masque « Papa, papa !» Oui, car dans le monde d'après, le port des masques a mis un gros coup de pelle à l'articulation des plus jeunes. Après que son père lui ait fait répéter, je compris finalement que le dernier numéro du manga One Piece venait de sortir, ce qui mettait l'enfant dans une excitation semblable à celle de Gérald Darmanin quand on lui a proposé d'être ministre ou à celle d'un teckel quand on lui tend un morceau de chipolata. Ce qui fut accueilli par le papa par un expéditif « Repose ça, c'est trop violent, j'aimerais bien repartir d'ici avec un livre qui ne te traumatise pas ». Spectateur de tout ça, on s'est immédiatement regardé, mon fils et moi, avec dans les yeux le même sentiment que l'on pourrait traduire par « Mais complètement con celui-là !» Car en 2020, il serait peut-être de bon ton de redéfinir ce qui est à même de traumatiser un enfant. Attendez, on sort de 3 mois de confinement, où les bambins ont dû, du jour au lendemain, se tenir totalement éloignés de leurs camarades de classe, apprendre qu'une accolade pouvait être dangereuse pour eux ou pour leurs proches. Chaque JT égrène le nombre mondial de morts du Covid avec une désinvolture que Marie-Pierre Planchon n'a pas quand elle parle de météo. Ce père et son enfant débattaient masqués du caractère traumatisant d'un manga, dans un monde où il faut désormais se décontaminer pour aller acheter un concombre et où les cerises sont emballées à l'unité dans du plastique. Je pense, si je puis me permettre, qu'un manga tel que One Piece aujourd'hui est, et sera sûrement de très loin, pour cet enfant, la chose la moins traumatisante de son existence. France Inter. Blockbuster. Juste ici, ça va. Frédéric Siglist. Si aujourd'hui le grand public a plus ou moins appréhendé ce qu'étaient les mangas avec des best-sellers tels que Dragon Ball ou One Piece, il est une série publiée depuis maintenant 33 ans, véritable institution au Japon avec plus de 100 millions de tomes en circulation, qui jouit d'un véritable culte parmi les amateurs de mangas du monde entier. Jojo's Bizarre Adventure. Créé par Hirohiko Araki, ce manga n'a eu de cesse en 3 décennies de se renouveler, surprenant sur la forme comme sur le fond. Jojo, c'est un film de Stallone mis en scène par Michel Gondry avec des costumes de John Galliano. un ovni de la bande dessinée japonaise que l'on va explorer aujourd'hui. Pour en parler plus en détail, j'ai avec moi Mathieu Pinon. Bonjour. Bonjour Eric. Vous êtes journaliste spécialiste de la pop culture japonaise, auteur de Histoire du manga moderne de 1952 à 2020 avec Philippe Bunel et de Un siècle d'animation japonaise avec Laurent Lefebvre aux éditions Inis. À part que les deux co-auteurs ont été inversés, c'est tout à fait ça. Il gagnerait à être inversé, non ? N'est-il pas ? Mais voilà, voilà, on retombe toujours sur ses pieds. Avec nous également, Federico Anzalone, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste spécialisé en manga et en culture japonaise. Vous avez écrit tout seul, ce qui est bien pour cette présentation. Membre de la revue Atom et auteur de Jojo's Bizarre Adventure, le diamant inclassable du manga paru chez Third Edition. C'est ça, ouais. Et avec nous également... mon collègue et compagnon et ami. Kéron, ami, voilà. Bah, et compagnon de route. Voilà, compagnon de route, frère, Kéron. Ouais. Vous êtes humoriste et réalisateur. On se vous voit parce que c'est, oui, voilà, c'est les règles. C'est, hein. C'est la télé. Et vous allez reprendre votre spectacle. Vous avez repris votre spectacle. On n'éteindra pas la lumière 60 minutes avec Kéron depuis le 3 juillet à l'Européen. Et vous entamerez une tournée à partir du 17 septembre. Comme vous dites. On peut aussi vous retrouver sur votre page YouTube. Et votre troisième long métrage, Brutus contre César, n'a pas encore de date de sortie. Mais cela se fera cet été. Exactement. C'était bon. Ensemble, on va revenir sur la genèse du manga Jojo. On essaiera de comprendre ce qui différencie Jojo de toutes les autres grandes licences du manga. On essaiera de comprendre aussi les influences de son auteur, Hirohiko Araki, et en quoi Jojo est peut-être le premier manga à pouvoir vraiment être considéré comme totalement inclusif et progressiste. Allez, blockbuster spécial Jojo's Bizarre Adventure, c'est parti. Voilà, voilà, voilà, voilà. C'était un extrait de la saison Stardust Crusader, l'animé de Jojo, diffusé actuellement sur Netflix, ADN, les plateformes de téléchargement légales. Federico Anzalone, Jojo, juste en termes de vente mondiale, pour que les auditeurs qui ne connaissent pas comprennent bien l'importance du truc, ça représente quoi ? Ça représente, ne serait-ce qu'au Japon, plus de 100 millions d'exemplaires imprimés. Donc c'est déjà pas mal, rien qu'au Japon déjà. Donc bon, en dehors du Japon, c'est un peu moins glorieux bien sûr, mais mais on peut se dire que voilà, c'est quand même une des séries les plus vendues de tous les temps. C'est aussi une série qui est extrêmement traduite un peu partout sur la planète. Notamment en Italie, très tôt, dès 93. Ouais. Et c'est combien de tomes, toutes époques confondues ? On a dépassé les 125 là, pour 8 parties différentes, plus quelques spin-offs, donc c'est assez glorieux aussi. Ouais. Alors là, je vais me tourner vers Mathieu Pinon. Jojo, ça raconte quoi ? Alors Jojo, pour bien expliquer aux auditeurs de France Inter, qui pour une fois vont être contents d'avoir une référence qu'ils peuvent saisir, c'est un peu les Rougon-Macquart du manga. C'est-à-dire qu'on va avoir toute une généalogie, on va avoir des descendants de tous, de Joseph Joestar, si je ne dis pas de bêtises, Jonathan Joestar, qui est le premier. On va avoir les descendants, qui donc tous, au lieu d'avoir une tare congénitale comme chez Zola... Il y a Kéron qui surveille, dire attention, il ne faut pas me divulgacher la suite du manga. Tous, plutôt que d'avoir une tare congénitale comme dans les romans de Zola, vont avoir un pouvoir grâce à leur hérédité, à ce qui coule dans leur sang, qui vont s'appeler les stands, même si ça n'apparaît qu'à partir de la troisième saison ou à troisième époque du manga. Et de même que Zola, entre Nana, Germinal, Au bonheur des dames, ça n'a aucun rapport. Chacune des parties est totalement distincte des autres, que ce soit temporellement ou géographiquement, ou même au niveau du héros ou de l'ambiance. C'est ce qui fait toute la force de Jojo. Et d'un autre côté, l'incapacité de pouvoir résumer, puisque comment résumer une œuvre dont chaque segment est si différent des précédents ? Kéron, comment avez-vous découvert Jojo ? Parce que c'est une licence qui est très très différente des autres shonen tels que Naruto, One Piece. Bien sûr. C'est un ovni Jojo. C'était pendant le confinement en fait. Je demandais à Sébastien Abdelhamid justement, qu'on embrasse, il devait être là. Je lui demandais des idées de manga, d'anime, etc. Il m'a dit Jojo. J'ai regardé la première saison. Sincèrement, j'ai pas trop compris. J'ai dit ouais, où est-ce que ça va ? Il m'a dit non mais t'inquiète, continue, fais-moi confiance. À un moment donné, tu vas vriller. Et je suis arrivé au moment des stands. On dit stand ou stand, comment on dit ? Stand, wow, on va dire stand. On fait fête de l'humain, ok. Ouais. Ouais, au moment des stands. Et là, pour moi, ça a pris toute son ampleur. Et... Alors j'explique à l'auditeur, le stand est une sorte de personnification des pouvoirs des différents protagonistes. Une sorte de génie. Imaginez un génie qui serait derrière, invisible ou visible que de ceux qui ont le même pouvoir. Et qui permettrait de se battre suivant la volonté de son détenteur. Voilà. En fait, c'est un pouvoir transformé en personnage. Exactement, avec des noms spécifiques, ils ont tous des noms. Oui, c'est ça, ouais. Inspiré par exemple de la musique, enfin, quasiment toujours de la musique. Oui. Et Federico Anzalone, quel est le profil des lecteurs de Jojo? Parce que j'ai l'impression, quand on voit un petit peu sur les forums les fans de Jojo, il y a à la fois des vieux lecteurs de manga qui ont lu énormément de shonen. Rappelons que le shonen sont ces mangas destinés aux jeunes garçons ou s'embouillonnant. Mais aussi, donc il y a les vieux lecteurs de manga. Et puis il y a aussi des amateurs de hip-hop et qui aiment Jojo. Et deux publics très différents. En fait, il y a plein de publics de plein d'âges différents, puisque Jojo, à la base, en France, c'était un petit peu underground. Dans les années 90, on connaissait pas trop, puisqu'il n'y avait pas eu de dessin animé au Club Dorothée comme d'autres œuvres, comme Le Chevalier du Zodiac. Mais c'était un truc qu'on voyait de loin, comme ça, dans les boutiques d'import. Mais c'est à partir de 2002 donc, que les premiers lecteurs français ont pu commencer à exister, puisque j'ai lu la publiée en 2002. Ça s'est arrêté malheureusement après plusieurs parties, mais on a cette génération-là de lecteurs, donc les gens un peu plus âgés et les beaucoup plus jeunes qui ont découvert la saga avec l'animé dont tu parlais tout à l'heure, Kairon, qui date de 2012 pour le coup. Après, c'est vrai qu'on a plein de types de lecteurs différents, des gens qui aiment plutôt l'action, des gens qui aiment le suspense, puisque Jojo c'est une œuvre complètement protéiforme qui change de genre à chaque partie. Tu parlais tout à l'heure d'inclusivité, tu faisais un petit teasing. Bah effectivement, je peux comprendre que des gens qui sont sensibilisés à des questions à la question du genre puissent s'intéresser à Jojo et y voir quelque chose de nourrissant, puisque les personnages sont à la croisée du masculin et du féminin, à la croisée de beaucoup de choses en fait, de l'art noble et de la culture populaire, de la haute couture. Donc en fait, il y a toute une sorte de mini-mélo, un truc qui fait que quel lecteur qu'on soit, on peut finalement y trouver une porte d'entrée. Pour rebondir, en 2018, il y a eu une grande expo à Tokyo puis à Osaka consacrée aux travaux d'Hirohiko Araki et spécifiquement sur Jojo. Et le public était particulièrement diversifié. Il y avait de tout. On venait en famille, il y avait des petites étudiantes, il y avait des lecteurs de shonen hardcore, parce que c'est non seulement très protéiforme, mais aussi ça brasse tellement de références culturelles que chacun peut s'y retrouver, que ce soit à travers le rock et la pop qui sont toujours cités dans les noms de stands, que ce soit à travers l'art italien, parce que c'est un grand fan de Michel-Ange, le dessinateur Araki, il est aussi fan de Klimt, donc on peut s'y retrouver qu'on ait des références picturales, qu'on ait des références musicales, et même si on est juste amateur de shonen sans chercher à savoir plus loin, on s'y retrouve aussi. Donc c'est vraiment un public très, très hétéroclite qui se retrouve dans Jojo. Et est-ce que cette multiplicité, Kairon, vous qui venez de découvrir la série, elle vous a frappé dès la première vision où vous vous êtes dit, oh, là, il y a quelque chose que j'avais encore jamais vu? Non, pour moi, en tant que néophyte, hein, vraiment, il y a vraiment deux parties. Il y a toute la partie qui apparemment a été faite même dans les années 80-90. Ouais. J'ai pas les noms des arcs en tête, mais Phantom Blood et Battle Tennessee. C'est, il y a toute l'histoire sur l'onde, le souffle, etc. Il y a cette partie-là que j'ai trouvé assez classique et qui m'a pas transcendé, et vraiment à partir des moments où il y a les stands, là pour moi c'est révolutionnaire. Ouais, là il se passe un truc que j'ai pas vu ailleurs, que ce soit dans les les musiques, que ce soit les même avec les personnages, que ce soit le style de combat, il y a un truc vraiment inédit bouleversant que j'ai pas vu ailleurs. Et évidemment, derrière ce manga, il y a un auteur à la personnalité bien trempée, Hirohiko Araki. Et d'où vient cet Hirohiko Araki ? De la ville de Sendai, dans l'est du Japon, hein, qui donc est une ville assez loin de Tokyo. Et c'est ça qui va lui poser problème au départ, parce qu'on va dire que les grandes maisons d'édition de manga se trouvent à Tokyo. Et que, voilà. Il est obligé de prendre le train à chaque fois pour aller le voir et leur présenter des planches. Exactement, à ses débuts, quand il a 15 ans et qu'il se dit qu'il aimerait devenir dessinateur de manga, eh bien, c'est un peu compliqué. Il n'y a pas encore ce qu'on appelle le Shinkansen, le TGV de l'époque, entre Sendai et Tokyo n'existe pas encore. Donc, il faut qu'il envoie ses planches et tout ça. Donc, c'est quelqu'un qui ne vient pas de Tokyo. Et justement, la ville de Sendai et ses origines vont vraiment infuser toute l'œuvre de tout Jojo, en fait, puisqu'il y a deux parties en particulier qui se passent dans des versions imaginaires de sa ville d'origine. Et puis il y a aussi ce rapport à ses parents qui n'ont eu de cesse de lui montrer des œuvres venant de l'étranger, ce qui est très très rare pour la culture japonaise de l'époque. Oui, tout à fait. En fait, ses parents lui lisaient des contes occidentaux ou des choses comme Tom Sawyer, ce genre de choses-là. Et c'est vrai que ça va un petit peu constituer la matière première de ses influences. Et puis, il faut savoir aussi qu'Araki s'isolait souvent dans une chambre en lisant les livres d'art de son père, qui étaient de l'art occidental. Et c'est là je pense qu'il a tracé les premiers contours de ses influences. Hein. Donc, comme tu le disais, Mathieu, Michel-Ange et autres. Alors on va continuer de parler de Jojo, mais pour le moment, on écoute le thème d'ouverture de Stardust Crusader. C'était Jojo no Kimiyo na Boken. Blockbuster, Frédéric Sigrist, sur France Inter. Et là, vous vous dites, mais comment et pourquoi se sont-ils mis à passer Walk Like an Egyptian? Eh bien, parce que c'est un extrait du thème de la fin de Stardust Crusader. Parce qu'on on le dit, on le répète, Hirohiko Araki et Jojo's est complètement imprégné par les musiques de l'étranger. Alors, je rappelle que vous pouvez nous laisser un message au 01 56 40 30 20 sur le sujet du jour ou sur les autres. Hein, c'est votre répondeur. Nous sommes toujours avec les journalistes Mathieu Pinon, Federico Anzalone et l'humoriste Kairon. Et donc, je parle d'influence étrangère. Et il y a une influence européenne très marquée chez Araki. Et même les personnages de Jojo sont étrangers. Ils ne sont pas tous japonais. Certains le sont, mais c'est vrai que le premier, effectivement, Jonathan Joestar, est un Anglais, le fils d'un lord anglais dans l'Angleterre victorienne. Le second est américain, enfin d'origine britannique, et puis le troisième, Joseph. Le troisième s'appelle Jotaro, et lui, il est métis américano-japonais. Donc, effectivement, il y a toujours ce côté occidental, voire métissé. Et il y a aussi cette envie perpétuel de surprendre, on en parlait pendant la chanson, le premier héros de la saga Jojo, Jonathan Joestar, a tout du héros, mais pourtant il s'en prend plein la tête une bonne partie du manga. C'est incroyable de traiter son personnage principal de cette manière. Araki, lui, voulait dessiner Dio à la base, hein. Donc l'antagoniste, celui qui lui en met plein la tête. Dio, c'est un personnage qui n'est pas de la noblesse comme Jonathan Joestar, mais c'est quelqu'un qui va s'insinuer dans ce quotidien-là et qui va venir convoiter la richesse du lord Joestar, donc le père du héros. Et c'est vrai que ce personnage-là va martyriser Jonathan au point où le héros, lui, qui est une sorte de boy scout bien propre sur lui, va pendant plusieurs chapitres mordre la poussière, ce qui va déplaire au lecteur, bien sûr, et c'est ça qui va créer un problème avec le lectorat au départ. Et derrière cet affrontement basique, il y a aussi en filigrane une vraie revanche sociale de Dio qui a grandi dans la pauvreté et qui s'en prend en fait à la bourgeoisie incarnée par Jonathan Joestar. Il y a ce cri de colère complètement, ouais, ouais, bien sûr, ouais. Du peuple vis-à-vis de la bourgeoisie. Bien sûr, oui, on peut voir ça, effectivement. C'est, en fait, si on retourne dans l'enfance d'Araki, lui, ce qu'il lisait, c'était des œuvres comme Ashita no Joe de la fin des années 60, début 70, des œuvres avec des gamins en colère, des bas quartiers et tout ça. Et de mon point de vue, on retrouve un petit peu ça, mais dans un contexte deux décennies plus tard, dans les années 80, on retrouve ça chez Dio, mais à une époque où les jeunes japonais, de l'époque où paraît Jojo, sont dans une époque où l'argent ne manque plus. Et du coup, Jonathan Joestar, qui est le héros, incarne plutôt, de mon point de vue, ce modèle d'adolescent japonais qui baigne dans ce qu'on a appelé la bulle économique, la bulle spéculative japonaise, où vraiment il y a la culture un petit peu du consumérisme et de on s'en fait pas, quoi. Voilà. Donc quelque part, il profite un peu de la fortune de son père, comme pouvaient profiter des adolescents de l'époque, otaku ou autres, de la fortune de leur père pour s'acheter des figurines. Enfin, j'exagère, mais voilà, on est un peu dans ce. On est là-dedans. Ouais. Mathieu Pinon, Jojo s'inscrit dans la tradition du shonen et du shonen neketsu. C'est en quelque sorte, oui. Voilà. Mais en même temps. Il s'affranchit des règles assez souvent. Donc, la question basique, est-ce que Jojo est un shonen à proprement parler? Jojo est un ovni. C'est ça qui, justement, a fait tout son charme. Je vais me permettre de spoiler un tout petit peu la première partie, puisque donc non seulement... Ça sera pas pire que sur l'émission de Xena. Non seulement Hirohiko Araki s'est permis de faire de son héros un anglais, alors que d'habitude le héros est systématiquement japonais, ou alors vit dans un monde de fantasy complètement distingué de la Terre. Non seulement il a placé son action dans l'Angleterre victorienne, mais en plus il se permet au bout de 5 tomes de le faire mourir. Et là, tous les Japonais ont fait « Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» Et donc, ensuite, ils ont pu comprendre que finalement, l'intrigue allait se dérouler sur plusieurs époques, etc., avec comme fil rouge Dio. Et ce qui est très intéressant, c'est que justement, là, on pouvait encore trouver un petit conflit social dans la première époque. C'est très, très vite effacé pour que Dio devienne la némésis de la famille Joestar sur plusieurs générations. Donc, il y a ça. On a au début, par exemple, des personnages qui sont très, très musculeux, puisque... Araki s'est inspiré de Mitsutelu Yokoyama, qui avait fait Babel 2, ou de Blanson et Tetsuhara pour Okuto no Ken, qui est le survivant. Donc voilà, ils sont bodybuildés. C'est des beaux rugbyman. Pendant les trois premières saisons, on a vraiment des mecs qui sont hyper carrés. Et d'un seul coup, sur la quatrième saison, on tombe sur une espèce d'effet poseur qui n'a qu'une seule hantise, c'est qu'on ne touche surtout pas à sa coiffure. Si on le décoiffe, c'est la fin du monde. Et ça a surpris tout le monde. Dans la partie numéro 6, le héros devient une héroïne. Et donc, en fait, il réussit à avoir des intrigues qui sont tout aussi passionnantes. Kairon qui se tourne pas. Ah non, je veux pas ça. Ouais, c'est pour ça que je fais bien attention de ne pas en dire plus. Pense aux auditeurs, vas-y, fais ton truc. C'est pour ça qu'il y a toujours ces intrigues qui sont passionnantes. Des ambiances qui vont être complètement différentes. Il y a un moment où on va être sur une espèce de chasse au serial killer dans la ville de Morio, qui est donc le pendant fictif de Sendai. On va avoir un autre moment qui va être vraiment du prison break à fond les ballons, et un autre moment ça va être une course poursuite à cheval, une cavalcade effrénée sur 6000 km. Ils changent systématiquement de genre, toujours avec la même passion, mais par rapport à du shonen, il s'amuse à casser les codes dès qu'il peut, même s'il garde vraiment la substantifique moelle du neketsu. Dès qu'il peut casser le moindre code qui fait que on peut dire que c'est du shonen, il va le casser. Et c'est ça qui fait qu'on a justement le public hétéroclite que j'ai pu citer tout à l'heure, et pas uniquement la tranche d'âge des garçons de 10-15 ans qui sont avant tout ciblés par le Shonen Jump dans lequel était publié Jojo. Mais justement, par rapport à ce public ciblé, ce qui m'intéresse, et ça permet de rebondir sur ce qu'a vécu Kairon en découvrant Jojo, il y a cette appétence pour le shonen et cette envie de toujours avoir une nouvelle série. Et donc justement, avec un œil frais comme ça, qu'est-ce qui vous donne à vous, Kairon, l'envie de suivre un animé plutôt que de prendre une BD européenne, ou qu'est-ce qui distingue le manga ou l'animé pour des autres sources de plaisir? Je pense déjà que le fait de ne pas parler japonais, ça mène une distance. Et ça permet d'apprécier le second degré des Japonais. Quelque chose qui est... quand un Français joue mal, je vais le voir qu'il joue mal. Là, ils peuvent en faire des caisses, je comprends pas. Et je vois ça avec un œil différent. Après, moi, je suis un fan des shonen, j'adore. On parle des autres, j'aime beaucoup. Je trouve que, pour revenir sur Jojo, c'est vraiment la surprise, en fait. C'est le fait de pas savoir où est-ce qu'on va, de savoir qu'il y a un truc que j'aime beaucoup dans Game of Thrones, que je retrouve chez Jojo, c'est qu'ils sont tous en danger perpétuel. Oui, il n'y a pas de statu quo. Non. Personne n'est protégé. Tu sais, et jusqu'à la fin, tu dis, putain, faut pas que lui meure. Et parfois, c'est le cas, parfois, c'est pas le cas. Il y a cette insécurité que je trouve addictive. Alors, on entend des extraits de Jojo, on parle beaucoup du Japon, on parle de manga, on parle d'arbres généalogiques, de batailles, mais on est quand même sur France Inter et il faut retrouver un petit peu de l'esprit de cette station. On va écouter Kai Pirigna avec Jojoa, mettez-vous bien, lieutenant Nicholson, on prend un petit verre, c'est l'heure de l'apéro. Oui, il est tôt, et alors, on boit quand on veut, quand on peut. Allez hop. sa caipirinha, pas de soleil. C'était Caipirinha de Jojoa et Lieutenant Nicholson. Vous êtes bien sur France Inter, Blockbuster, avec Frédéric Sigrist. Federico Anzalone, il y a aussi cet amour du cinéma et de la musique très très important chez Araki. Il y a notamment le rapport au slasher, enfin au cinéma, les thrillers italiens, les giallo de Dario Argento, de Fulci. On sent tout ça dans Jojo. En tout cas, quand on ouvre la première page du premier Jojo, on a l'impression d'être devant une planche qui représente une affiche de giallo, effectivement, avec cette vue à travers les yeux d'un tueur qui porte un gant noir et une arme tranchante. Après, ce qu'il faut se dire, c'est que Araki, il travaille en musique. Et donc, dans ces planches, on retrouve effectivement des rythmiques et des onomatopées qui vraiment battent la cadence de la rutilance ou plutôt le suspense. Enfin voilà, on a vraiment une importance L'onomatopée, c'est presque devenu un mème en fait sur Internet, les onomatopées qu'il utilise. Et effectivement, il s'inspire pas mal du thriller, puisque c'est un genre qu'il adore. Il adore l'horreur, pas forcément italienne, hein, mais toute l'horreur en général. Il a écrit un essai là-dessus, d'ailleurs, en japonais. Donc effectivement, il y a ce côté très musical dans l'agencement des cases. Et effectivement, les influences dans le dur, on va dire, de la musique avec les noms des personnages, etc. Dio, c'est un guitariste de heavy metal. Hein, mais oui, voilà. Et il y a aussi même des influences venant de l'étranger. Dans Stardust Crusader, on a un Français qui s'appelle Jean-Pierre Polnareff. Et dont la sœur s'appelle Chérie, puisqu'il ferait toutou pour sa chérie. C'est ça qui est génial. Surtout, génial, je sais pas si c'est, mais c'est trop. Polnareff, le véritable Polnareff, a fait un tweet il y a pas longtemps sur le personnage de Jean-Pierre. Mais ce qui est fou, c'est que ce personnage donc, qui est apparu dans Jojo Stardust Crusader a ensuite influencé toute l'industrie du jeu vidéo. C'est-à-dire qu'on retrouve des avatars de ce personnage avec ses... pour le décrire aux auditeurs, il est très très fin avec une coupe de cheveux en brosse très très haute. Ouais. Très Guile. Et voilà, Guile dans Street Fighter, il y a un personnage. Benimaru, Paul dans Tekken. Paul dans Tekken. Désirless en France. Oui, Désirless. Il a influencé mais des tonnes de personnes, ce Jean-Pierre Polnareff. Et il y a les poses. Il y a les poses. Il faut qu'on parle des poses de Taraki. Ces corps en contorsion, avec des hanches mises en avant. D'où ça vient, Frédéric Wanzelen? Alors, ça vient de plein de trucs à la fois, mais je dirais que la base, c'est un contact qu'a eu Araki avec la sculpture Apollon et Daphné à Rome, à la Galerie Borghese. Il a vu cette sculpture baroque du Bernin. Et il s'est dit, moi je veux faire ça en manga, parce que personne à l'époque ne faisait vraiment ça. Et il cherchait à se distinguer, parce qu'il avait vraiment besoin de trouver son propre style. Et il a vu dans cette beauté, dans son raffinement de la position des corps, il a vu quelque chose d'intéressant. Après, il n'y a pas que ça, il y a tout un vortex d'influences qui viennent de la mode, et notamment de la mode féminine. Ça c'est super important, c'est que Araki, il va reproduire des postures de mode féminine sur des personnages masculins. C'est aussi ça qui crée un peu ce mélange des genres masculin-féminin chez ces personnages. C'est qu'il va s'inspirer beaucoup de la mode côté dame, ouais. Pour rebondir, il suffit de regarder le clip de Madonna à Vogue avec le strike pose. On retrouve vraiment toutes les poses justement de cette période de Vogue. Et Araki est tellement influencé par la mode que c'est parti à rebours, vu qu'il y a Gucci qui a demandé de faire des collaborations par rapport à différentes collections. Et pour rebondir également sur l'art, c'est beaucoup de rebonds là. Noble du terme, Araki a également participé à une bande dessinée avec le Louvre. Preuve qu'un auteur de manga peut aussi être reconnu par les grands amateurs d'art. Alors déjà, les mangas, on le sait, il y a des gens qui n'aiment pas. Mais alors un manga qui se définit lui-même comme bizarre, il y a des gens qui aiment encore moins. J'aime pas. Donc, Frédérico Anzalon, c'est le moment où on fait l'autocritique de ce que l'on aime aussi. Alors des fois, on a la chance d'avoir des critiques du Masque et la Plume ou d'autres qui le font pour nous. Mais nous aussi, on est capable des fois d'être dur avec l'œuvre que l'on vénère. Donc, s'il y avait quelque chose qui vous avait déplu dans Jojo, c'est le moment ou jamais d'en parler. Tout à fait, c'est pas parce qu'on aime qu'il faut être idolâtre. Je dirais que Jojo, c'est un manga hyper inventif, mais qui va parfois trop loin, qui devient trop compliqué. En fait, dans mon bouquin, j'ai parlé de Jojo en différentes époques, j'ai catégorisé en période classique, baroque, rococo, etc., pour faire un petit clin d'œil à l'art. Et pour moi, il y a vraiment une période rococo, c'est-à-dire où ça va trop loin, ça devient tellement compliqué qu'on comprend plus trop ce qui se passe dans les pages ou dans les pouvoirs, et que finalement, la résolution d'un combat ou d'une situation tombe un peu comme un cheveu sur la soupe. Et voilà, ça pour moi, c'est le principal problème d'une certaine partie de la saga. Je sais pas si vous avez d'autres, Mathieu par exemple. Je remonte complètement. Il y a des fois, je trouve que Araki est lui-même dépassé par les concepts qu'il a pu inventer. Alors, pour expliquer quand même aux auditeurs de France Inter le type de stand, les pouvoirs que peuvent avoir les personnages, il y a un stand qui fait apparaître des fermetures éclair n'importe où, et hop, on peut ouvrir un mur avec un fermeture éclair et puis passer à travers. Bon, ça, il n'y a pas de problème, mais à un moment, il s'est dit, tiens, si je faisais un stand avec... C'est inquiétant que vous disiez ça, il n'y a pas de problème. Si je faisais un stand avec lequel on peut remonter le temps et jouer avec, et lui-même, dès qu'on commence à faire des voyages temporels, tous les auteurs de science-fiction le savent, ça commence à partir en sucette, et lui-même s'est retrouvé pris à son propre piège, et il y a des moments on ne comprend pas et on se demande si Araki lui-même comprend ce qu'il est en train de nous raconter. Donc en fait, je pense que je rejoins complètement Frédérico sur le défaut. Et alors, pour ma part, le défaut que j'évoquerai à propos de Jojo, c'est qu'il y a une telle densité sur tellement de générations que pour un lecteur qui voudrait se lancer comme ça dans Jojo, il y a quelque chose d'écrasant à se dire, mais par où je commence, par quoi, comment, et au final se dire, bon, bah, je vais prendre Tintin. Parce que, effectivement, il y a une mythologie qui est trop importante. Eh bien, merci d'avoir été ce petit espace de fioles très léger, hein, mais voilà, qui quand même avait vocation à être dans cette émission. Alors, on a parlé effectivement des différentes époques et il y a notamment l'époque Diamond is Unbreakable. C'est la quatrième, la quatrième époque qui, selon vous, Federico Anzalone, est la meilleure. La meilleure et pour moi le shonen le plus brillant des années 90, vraiment. C'est la partie donc semi-autobiographique de Jojo, puisque ça se passe dans la ville fictive d'origine de Araki. Et il y a quelque chose pour moi de l'ordre de l'époque des années 90 au Japon, un peu fin de millénaire, je dirais, un peu crépusculaire, puisque c'est les années 90 au Japon, il faut le savoir, c'est quand même la, bah, je parlais de la bulle économique tout à l'heure, elle a éclaté et c'est les désillusions qui vont avec après. On a eu tout un cas de nouveaux tueurs en série au Japon aussi, ça va se retrouver dans Diamond, etc. Et c'est là-dedans, pour moi, que Araki est le plus inventif. En tout cas, à cette période-là de Jojo, c'est là qu'il a converti, en gros, transformé l'essai des stands qu'il avait inventés dans la partie précédente et qu'il les rend vraiment brillants pour le coup, toujours intéressants. Et en général, ça donne pas lieu à des combats quand deux stands pas forcément des combats quand deux stands vont se confronter, puisqu'on va avoir par exemple un cuisinier qui utilise son stand pour soigner les gens. C'est tout à fait imprévisible en fait, hein, ce qui se passe dans cette ville-là. Oui, c'est souvent des affrontements stratégiques sur d'autres terrains que celui du combat pur. C'est-à-dire que n'imaginez pas une seule seconde que Jojo, c'est ces deux gars qui se voient et qui se cognent dessus. Ça a pu arriver, mais généralement c'est des affrontements qui où il faut réussir à anticiper les actions de l'adversaire. C'est des jeux d'échecs où vraiment je sais que tu vas faire ceci, que tu vas faire ceci, et comme je vais faire ça en réaction, tu vas faire ceci, donc il faut que je fasse ça, et ils jouent avec 8 coups d'avance. Bah, c'est pile le moment où ça n'est pas encore assez compliqué pour être incompréhensible. C'est vraiment le sommet pour moi de cette phase-là de Jojo. C'est assez inventif, mais pas trop compliqué. Et aussi, je parlais du côté autobiographique, il y a beaucoup de choses qu'aime Araki dedans. Il a mis vraiment tout ce qu'il aime Dans cette partie-là. Et notamment, un avatar, c'est-à-dire qu'à la manière de Stephen King, qui s'incarne en tant que romancier dans ses... s'est créé une sorte d'avatar fictif dans ses œuvres, Araki a créé le personnage de Rohan. Qui est un personnage donc qui a un stand dans le manga, mais qui est un créateur lui-même de manga, et donc il y a toute une mise en abîme de son travail, et c'est ce personnage-là qui a bénéficié de cette expo au Louvre et qui a fait du livre du Louvre, et ce qui est quand même énorme, un créateur de manga a été exposé avec une expo spécialement faite pour le musée du Louvre. C'est le premier à avoir fait ça. Ouais. C'est le premier auteur de manga à avoir jamais été exposé au Louvre. Après, c'est un peu par un concours de circonstances, puisque c'était une expo dédiée aux différents auteurs de BD qui ont travaillé pour le Louvre. Il y avait aussi Nicolas de Crécy et d'autres. C'est pas Araki seulement qui a été exposé, hein, mais c'est quand même chouette, quoi. Et pour revenir sur Diamond is Unbreakable, il y a une autre force sur cette partie par rapport aux autres arcs de Jojo, c'est le personnage de Koichi Hirose, qui pour moi est le véritable héros de cette quatrième partie, et qui est un lycéen gringalet chétif, qui va se découvrir un stand un peu plus tard, et qui, pour une fois, le lecteur lambda, le collégien lycéen qui achète Shonen Jump pour se détendre, pouvait se personnifier dans ce petit gringalet d'une quinzaine d'années. Et là, je crois que vraiment, Il faut préciser que tous les personnages de Jojo n'ont pas accès à des stands. C'est pas inné, hein. C'est bien pour ça que c'est vraiment héréditaire, si on peut dire. Mais pour une fois, il y a vraiment une espèce de main tendue de la part d'Araki vers son public en disant, voilà, là, tu as un repère auquel tu peux te raccrocher et qui va te permettre de pouvoir suivre cette palpitante quête au sérieux qui est. Et là, j'ai une question à Kairon, le réalisateur, parce que vous avez déjà réalisé des films brillants, et là, vous êtes en train de parachever Brutus contre César. Quand on a un œil exercé à voir des animés qui sont vraiment le pinacle de ce qu'on peut faire en image, est-ce que ça aide à construire son storyboard, à poser sa caméra autrement? Bien sûr. Et surtout, je pense pour revenir sur ce que vous dites sur cet arc-là, c'est que on retrouve beaucoup des codes du film d'horreur. Il y a, même si on est dans une ville, il y a un côté huis clos, il y a un côté angoissant où on sort pas de la ville. Et ça, c'est très cinématographique. Et c'est... Je pense que de tous les mangas que j'ai vus, je pense que Jojo est le plus cinématographique. C'était un extrait du thème d'ouverture de Jojo, Golden Wind. Alors, on a parlé des hommes, on a parlé du physique des héros de Jojo qui avaient tendance à changer, c'est-à-dire qu'ils ont commencé de manière très musculaire, ensuite dans Golden Wind, on a eu affaire presque à un groupe de J-pop, voilà, avec des costumes bariolés, androgynes extrêmement fins. Mais ensuite, il y a un personnage féminin qui tient le rôle-titre aussi. Il faut parler du fait que Araki a osé mettre une héroïne dans un shonen, ce qui est, on doit les compter sur les doigts d'une main. Alors c'était pas la première hein, de loin, hein, mais j'ai peur d'en dire trop pour Kairon là, mais pensez aux auditeurs, franchement en fait par rapport à l'émission. Alors Jolene, bah c'est la fille de Jotaro. Mais ça c'est pas vraiment, non c'est pas vraiment. On savait pas qu'il avait une fille. Bah, on savait pas non plus hein, jusqu'à Stone Ocean. Donc, Non mais c'est la fille de Jotaro et c'est une fille qui est emprisonnée dans une prison en Floride. Et en fait, c'est une partie qui est assez féminine dans le sens où on va avoir un groupe. Bah, c'est une prison pour femmes, donc forcément, il y a pas mal de femmes et c'est des femmes fortes qui se battent, c'est des femmes qui s'empoignent. Et il faut savoir qu'Araki, dans les années 80, avait déjà fait une tentative de manga avec des combats entre femmes, enfin avec une héroïne qui s'appelait Irene dans un manga qui s'appelait Gorgeous Irene. Et il s'était lui-même arrêté, il s'était auto-censuré, il s'était dit bon. Mais pour une très bonne raison que j'aimerais que vous évoquiez, parce que je pense que beaucoup de gens se demandent mais comment ça se fait que certaines bandes dessinées et même certains médias, certains films ne mettent pas plus d'héroïnes en avant. Et je pense en fait que Araki a l'honnêteté de dire pourquoi en fait. Et c'est sur ce rapport-là. Mais en fait, il avait peur de dessiner des femmes se faire frapper. La violence infligée aux femmes. Et voilà, donc 10 ans, 15 ans plus tard, la société a changé, les héroïnes ont changé dans le cinéma d'action et autres, et donc il s'est dit que ça y est, en 2000, il était temps de pouvoir enfin mettre en scène une héroïne, quitte à ce qu'elle prenne des coups, quoi. Une héroïne forte. C'est-à-dire il y a une sorte de peur de créer un gros malaise dans la salle ou même à la lecture d'un livre en montrant une héroïne qui est dans le même état que certains héros masculins. Parce que quand on regarde Sanseiya, par exemple, personne ne s'émeut plus que ça de voir des jeunes et la tête en sang en train de se battre. C'est ou Naruto. Si on regarde un dessin animé comme Ranma 1/2, par exemple, effectivement, il y a des jeunes femmes qui se battent, mais pas à 100, quoi. Dans Stone Ocean, donc la sixième partie de Jojo, c'est beaucoup plus violent, c'est beaucoup plus rude. C'est le même traitement qui est infligé au héros masculin de Jojo plutôt, quoi. Et c'est aussi à partir de cette itération de la saga Jojo que on quitte vraiment le shonen à proprement parler. C'est-à-dire que d'ailleurs Jojo ne paraît plus dans le Weekly Jump, il paraît dans l'Ultra Jump. On est allé vers un manga beaucoup plus adulte avec les générations qui ont suivi, qui sont des Jojo sans vraiment l'être en fait. Alors Stone Ocean c'est toujours dans le Jump. Mais ça détonne dans Jump, parce que c'est l'époque où on a Yu-Gi-Oh!, on a Shaman King, One Piece, Naruto, que des héros lumineux, jeunes, hyper enthousiastes et tout, et on a à côté Stone Ocean, c'est pas trop ce que ça fout là. C'est à partir de la partie suivante, en fait, qui va passer dans un magazine qu'on appelle Seinen, donc pour jeunes adultes, et un magazine mensuel surtout, c'est ça qui change tout, c'est qu'il va pouvoir développer son style sur des chapitres beaucoup plus longs et beaucoup plus aboutis, et effectivement avec un côté plus adulte, ouais. Et ce qui est intéressant aussi, quand on s'intéresse au shonen au sens large, c'est qu'il y a énormément de séries autres qui ont des traits plus plus enfantins, mais qui ont été complètement influencés par Jojo, Hunter x Hunter, Shaman King. Je parle de Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! Oui, c'est Yu-Gi-Oh! Complètement. C'est ça. Enfin, en fait, à l'époque où vous parlez de Jojo, c'était à la fin des années 90, début 2000, ben, Araki est entouré de gens qui s'inspirent de lui. Il est presque le plus vieux dans l'équipe. Et c'est là qu'il commence à se dire qu'il est un peu vieux pour dessiner du shonen, quoi. Mais effectivement, des séries comme Hunter x Hunter que vous venez de citer, Shaman King et plein d'autres trucs ont été inspirés par Jojo, quoi. Ouais. Et il voue aussi un énorme culte, Mathieu Pinon, vous pouvez confirmer ou affirmer ce que je dis, mais à Akira Toriyama. Il l'a dit à plusieurs reprises, ou pour lui, en fait, même son passage dans le Shonen Jump était des fois un petit peu compliqué par rapport à tout ce que Toriyama avait imposé comme marque de fabrique et de style à suivre. C'est-à-dire que voilà, il y avait Dragon Ball et qui a donné le là au shonen et Araki avec son style, j'ai du mal en fait à rentrer là-dedans, quoi. Alors, en fait, ce qui a vraiment impressionné Araki par rapport à Toriyama en tant que tel, c'est plus la narration. Il est vraiment il aime beaucoup la narration de Dragon Ball parce que elle reste constante du tome 1 jusqu'au tome 42, même si on change d'univers, etc. Il y a vraiment il a trouvé sa voie et il la quitte pas, Toriyama. Alors que Araki, à force de faire des changements, hop, il part à droite, à un moment il repart à gauche, il va dans la forêt, il va dans la montagne, il va dans la prison, il va dans une ville, enfin, il n'arrête pas de changer. Et à chaque fois qu'il change d'univers, il change également de narration. Tout à l'heure, on citait la partie 4, qui est une espèce de chasse au serial killer, mais avec des chapitres bien marqués. La partie 6, à l'inverse, c'est la pression monte constamment. Il n'y a aucun moment avec une soupape de décompression, là où Toriyama avait réussi à le faire. Donc c'est ça qu'il a vraiment impressionné et je pense que justement il a pas envie d'aller se mettre sur le terrain de narration de Toriyama parce qu'il le respecte trop pour ça et donc il préfère garder sa propre voix à lui et quitte à ce que ce soit complètement loufoque et bizarre, et ben il va rester dans le bizarre. Alors on sait comment Kairon a accueilli et découvert Jojo, mais comment le public au sens large en France a accueilli Jojo? Aïe. Voilà. Mal. J'en parlais tout à l'heure au tout début, dans les années 90, il y avait quelques initiés qui connaissaient un peu Jojo pour des raisons X ou Y. Moi par exemple, j'ai découvert avec un jeu vidéo en 98 qui était sorti sur Dreamcast, PlayStation, Arcade et tout ça. Oui, par les studios de Capcom, je crois. Exactement, un jeu de combat. Mais en 2002, donc quand j'ai lu commence Jojo, bah ça marche pas du tout. Et surtout, quand Tonkam le reprend, ça marche encore moins. Donc avec la cinquième partie, donc celle de Giorno, en Italie, avec la mafia italienne, c'est... Alors, je me rappelle plus exactement des chiffres, mais je crois que par tome, on n'était pas beaucoup plus qu'à 200 exemplaires. Oui, ça se vendait à 100. Enfin, parfois, il y a même des tomes qui se sont vendus, les chiffres de vente, à deux chiffres. Donc, c'est dire à quel point c'était catastrophique. Et c'est là qu'on sent que le pouvoir de l'animation a fait beaucoup de choses, puisqu'on a toute une nouvelle génération qui vient de le découvrir grâce à l'adaptation de chez David Productions. Alors c'est quand même très amusant parce qu'à l'époque on peut se dire qu'ils étaient encore dans les testicules de leur père quand Jojo a commencé, et maintenant cette génération se passionne pour ça, le regarde en dessin animé, le lit très souvent sur internet, et justement c'est pas pour autant que les ventes du manga décollent particulièrement, et c'est fort dommageable. Alors que Tonkam a fait un boulot depuis le début, enfin après j'ai lu, Tonkam s'est acharné à continuer de publier Jojo contre vents et marées malgré des ventes très très faibles. Et aujourd'hui encore, les ventes ne sont pas à la hauteur du phénomène qui est devenu Jojo dans le cercle des otaku. Donc vous avez entendu les auditeurs, il faut lire Jojo, voilà, acheter un tome déjà, lisez-le, un premier 6,90€, ça vaut le coup, voilà. Et si jamais ça vous plaît pas, Mathieu Pinon vous le rembourse. Voilà, dans quelques instants, j'allais dire moi, puis je lui dis non, il vaut mieux que ce soit Mathieu. Dans quelques instants, on va jouer avec un auditeur, mais pour le moment, on écoute Georgia Smith avec Kiss Me in the Morning, et puis aussi à midi si tu veux, et puis aussi le soir, parce que c'est bien. Céline Hila, vous connaissez Céline Hila? Eh ben, elle a réalisé l'émission, et Jeanne Paravert et Sarah Masson, eh ben, elles l'ont préparée, aidée par Tom Malkin, notre stagiaire, et à la technique aujourd'hui, vous savez qui? Eh ben, c'est Fabrice Desmaz. Should call me late at night. I never tell you what I'm thinking, and yet you always seem to get it right. Now I've been loving what you're giving. It never stays away from right. So if you kiss me in the morning, oh, you better call the night. And I wake up with this feeling in my body. When I'm stuck by your side. bandstand every evening to get it right. So if you kiss me in the morning, though you might. Kiss Me in the Morning de Georgia Smith. Et maintenant, on joue. Attention, qui que vous soyez, attention. Blockbuster. Cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences. Frédéric Sigrist. Sans blague. Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza? Sur France Inter. Et aujourd'hui, on a Thomas au téléphone. Bonjour Thomas. Bonjour Frédéric, bonjour tout le monde. Bon, alors j'imagine que vous aussi, vous êtes fan de Jojo. Absolument, inconditionnel. Une époque préférée? Je dirais la partie 4, entre tout temps. Alors, c'est Golden Wind, c'est ça, hein? Ah, non. Comme moi. Ah, d'accord, ok. Ah, oui, ah oui, avec Yusuke. Pas comme ça. Moi. Bravo, bravo. Première réponse, vous avez gagné. Alors, vous allez devoir répondre à 3 questions en 25 secondes chrono. Et si vous ne pouvez pas répondre, pas de problème, vous avez droit à un joker qui vous permettra d'être aidé par l'invité de votre choix. C'est parti. Première question. Comment s'appelle le stand de Jean-Pierre Polnareff dans Jojo Stardust Crusaders? C'est Silver Chariot. Eh bien, c'est une bonne réponse. Mais j'ai senti déjà, dès le début, là, je dis, ça va être un jeu qui va, il va passer très vite. Question suivante. En combien de parties est divisée pour l'instant la saga de Jojo? En 4 parties? 6 parties? Ou 8 parties? 8 parties. C'est très très bien, Thomas. Je suis très très impressionné. Dernière question. Comment s'appelle le stand qui pousse ce cri d'attaque caractéristique? On l'écoute. On va l'entendre une deuxième fois. Alors, Thomas? Alors, on en a plusieurs, mais puisque c'est dans l'animé, je dirais Star Platinum. Eh bien, Star Platinum, évidemment, le stand de Jotaro. Eh bien, vous avez gagné un exemplaire du jeu de société Blockbuster qui sortira au mois d'octobre, un partenariat des éditions Radio France et Marabout, ainsi que le livre Jojo's Bizarre Adventure, le diamant inclassable du manga, écrit par Federico Anzalone, ici présent aux éditions Ferd. Oh. Merci beaucoup. Il était magique. Écoutez, ça nous fait plaisir. Merci d'avoir participé, Thomas. Merci. Est-ce que je pourrais juste dire un petit mot? Mais allez-y. Merci beaucoup. Bon, mais je voudrais remercier tout le nerdship de Jojo's Bizarre Adventure et sur Nintendo qui a écouté cette émission aujourd'hui et qui m'a donné beaucoup de amon. Eh ben, merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Alors, c'est la fin de cette émission. Merci à tous et à toutes. Merci à Mathieu Pinon. Merci à Federico Anzalone. Merci à toi. Kéron, on rappelle que vous êtes de retour sur scène. Ouais. À l'Européen. Exactement, depuis la semaine dernière. Ouais. Oui. Je suis très content, ça se passe très bien. On a un système pour désinfecter la salle. Non, mais je te jure, j'adore les conversations d'humoristes maintenant. Mais non, j'ai testé un nouveau matériel. Maintenant on est pas bien tous les systèmes. On a les masques et tout, on a la distanciation. Si on m'avait dit qu'un jour on parlerait des salles de spectacle comme des pipe shows à Pigalle. C'est fou. Ouais. c'est bizarre. Exactement. Et il y a ce film alors. Et il y a mon troisième film qui sort bientôt, mais je peux pas encore donner les infos. On est en train de tout gérer en interne. Et dès que ce sera officiel, je reviendrai avec plaisir. D'accord. Pour une autre émission. Bon. Ouais, je sais qu'il y a certaines des personnes qui travaillent à France Inter qui sont aussi dans ce film. Qui? Notamment Guillermo. Oui, Guillermo, il est venu, il m'a fait la gentillesse de venir. Guillermo Guise, qu'on peut retrouver dans la bande originale. Ouais. Voilà, c'est bien. Guillaume fait partie de mes... Guillermo fait partie de mes comédiens. Peut-être je suis très honoré. Je vais avoir un coup de téléphone. Eh ben vas-y, on va le faire. Allez, on le fait. Si t'es pas sur ton émission l'été, on le fait. Voilà, c'est dur de me demander de choisir entre un film et Blockbuster. Ah, pour vous, auditeurs, je vais choisir Blockbuster, mais c'est vraiment parce que j'ai la mission de service public, je suis lié au corps. Bon, comme toujours, si vous le désirez, je vous le rappelle, vous pouvez nous laisser un message au 01 56 40 30 20 ou sur la page Facebook de l'émission. Il y a également Twitter avec le hashtag Blockbuster et Fi. Jojo 4日も学校休んで何してたのよ。